in my field. Pull up, my selector. Pince ou en poche, obligé de gratter gauche droite. Ma vie a cru qu'on était à la boxe. Obligé de compter sur le paternel. Mais le portefeuille se vide, la paye du mois s'appelle pas éternel. La vie est de plus en plus chère. De moins en moins de thunes, un visage de plus en plus terne. Mec, sans thunes, ouais, qu'est-ce tu veux faire? Ma passion, tu crois que c'est squatter sur les bancs du terre-terre. Se coucher tard avec les potes. S'imaginer comment la vie aurait été si on aurait fait un peu moins de fautes. Se faire des films, on s'est perdu ça. Plus l'occasion de faire des sites, je pense qu'on aurait moins les mains sales. On est seul frère, une dizaine de rappeurs aux alentours. Au lieu de se pousser, on préfère se faire la guerre. Comme à Bagdad, non ici c'est poker. C'est pareil, à part qu'à la place des armes, on a des lances pierres. Solitaire comme personne, peut faire confiance à personne. La seule personne en qui je me confie, c'est personne. On est persuadé qu'on peut percer seul. On en fait qu'à sa tête, mec, et on persiste seul. Les mains sales, je rêve de m'instruire. Le savoir est une arme, mais moi mec, mon pari est vide. Ils ont vu que j'avançais trop vite. Alors ils m'ont mis des barrières en espérant que je sois moins speed. Le sourire triste, un décor sombre, un pote en moins sur ma liste. Le bonheur, j'en ai vu qu'une ombre. On a marché sur des ronces, mec, fier de l'être. Tu me traites en alphabet, viens voir comme je manie les lettres. J'ai le beat et le flow, mec, prends le beat comme un pro. Mec, passe le beat, j'ai des crocs. Mec, passe le beat à mes potos. Passe le beat, on est costaud. Les blancs me traitent de négro. La rage sur le visage, même les halas me traitent de bico. J'attise la convoitise des MC. Dans le rap français c'est plus comme avant. Maintenant y'a que des groupies. Un tir groupé, P30 sur le missile. Dao comme lanceur, faites gaffe à tous les fragiles. J'frajole, j'bouffe que tu MIC. De plus en plus carnivore, je me mets à bouffer les MC. Même s'ils disent que j'trippe sur mon ego. Ma rime cric cric pop, ouais c'est bien écrit oh. On prend exemple sur les grands frères, ceux qui squattent les bancs, ceux qui prennent du sang vert. On se renferme, besoin de lanterne. J'ai la dalle, mec, je prends des lents, frère. Ils veulent que je la ferme. Tu vois, on squatte entre frères, entre nous. Le micro dans le ventre, mais ces putains de rats leur à genoux. Ils veulent que je m'agenouille. T'as vu mon âge, j'ai le genou. Les jaloux, chaque maliche. T'inquiète, c'est que le premier roule. Ils disent que je m'anime mal le mic. Je me comporte comme un animal. Normal que la maille m'attire. Les minots tirent, les anciens tirent des rats. Les madres pleurent aux funérailles. Les jeunes se mitraillent. Les poches vides, normal on veut la maille. Devant mes rimes, les putes mouillent. Devant ce putain de morceau. C'est un morceau signé Negrito. Marseille Selecta. Ça va faire mal. C'est du très lourd.